Sur ma guitare ? Sur ma voix ? Ah, ça va ? Je sais pas. Allez les gars, faut voter. Bon, j'en choisis une. Je sais pas quoi prendre. Chanson connue. Je l'ai entendu, mais... Faut changer de BPI, là. Attends. C'est toujours pareil, ça. Des tubes qui sont faits avec des accords tout basiques, bâtards quoi. Comme quoi, faut pas. Ça sert à rien de se compliquer les choses. La preuve, ce morceau. 48 ? Oh. Vachement bien ce truc, regarde. Le mec fait l'accord. Ça, c'est un site super. Merde, j'ai perdu la page. Ça vous plaît pas? Bon. Ah bah on est toujours en 64 là. On rame à 64. Attends, I am the passenger. Ah, 135. Faut qu'on se grouille parce que je me barre. 135 et...